J'ai pas de saison pour le rap, j'ai pas de 16 pour le rap, j'ai pas de 16, je rappe un rap, j'ai pas de 16 et puis je rode. J'gratte 7 sur 7, j'en viens à descendre. J'ai pas pensé à mon égo, viens jamais parler de descendre. T'en as qui rappe l'été, d'autres qui rappe pas l'hiver. T'en as qui rappe la vérité, d'autres règles pas l'hiver. J'dis ce que j'pense au temps que j'emmerde la tendance. Le rap c'est pas mon passe-temps, c'est ma putain d'indépendance. Jusqu'à tellement tard le soir que ça en devient tout le matin. J'sais pas trop ce qui m'attend, mais comme la school syndrome du rap matin. Chaque matin, j'me fous Martin là en tête. J'me dis qu'il faut j'rappe avant qu'un coup de marteau m'enterre. Partant de lui, j'ricoche sur le beat comme de la grêle. À traîner dans le froid, moi j'rappe même avec la crève. L'heure est grave, le rap devient occasionnel. Si tu veux voir ce que c'est des vrais, au cas où on est là. Y'a pas de saison pour que vive la musique. Pas de saison pour que vive le son. T'as connu la chanson, on est censé mais pas chanceux. Sans cesse on fait des sons sans se soucier de l'échéance. Y'a pas de saison pour que vive la musique. Pas de saison pour que vive le son. T'as connu la chanson, on est censé mais pas chanceux. Sans cesse on fait des sons sans se soucier de l'échéance. On continue à parler, à y croire, même si on est free. Si mon rap il avait une saison, merde, il ferait du fruit. Avec ma haine, il pourrait te pourrir la vie. Été, automne, hiver, printemps, il tombe dans la ville. Il porte une casquette, un bonnet, les torses nus. Il tend sur la brique quand il vient, il nique la porcelaine. Il est présent comme un guerrier, un tortionnaire. Désolé, obligé de s'arrêter s'il y en a un qui perd sa mère. À part ça, on rappe tout le temps, dès qu'il y a moyen. On vient, on tord le mic, peu importe les moyens. En vrai, je suis pas d'humeur, j'aime pas les doyens, les douaniers, tout ce qui la route, moi j'aime pas aboyer. Parfois je m'arrête comme ça, jette l'amorce. J'attends que ça morde, patient, je reviendrai en mars. En gros, j'en ai marre de ce bordel. Obligé d'expliquer que toute l'année on est de corvée. Y'a pas de saison pour que vive la musique. Pas de saison pour que vive le son. T'as connu la chanson, on est censé mais pas chanceux. Sans cesse on fait des sons sans se soucier de l'échéance. Y'a pas de saison pour que vive la musique. Pas de saison pour que vive le son. T'as reconnu la chanson, on est censé mais pas chanceux. Sans cesse on fait des sons sans se soucier de l'échéance. Ok, à chaque saison, moi je déplace, je parle de ces lieux, de ces hommes, ces endroits où déplacer. Et y'a pas de boss, on a pas de bol, donc ici ça rappe sans arrêt. Et pas à pas, on s'impose, on connaît pas le sens arrière. Frère, écoute ça, nous on est déterminés. Y'a danger parce que l'on marche que sur eux déterminés. Savez ce qui tout leur piège, on tombera pas dans leur panneau. C'est la merde, mais va pas croire, ces bâtards ne peurent pas nous. Disparus, nos galères et nos ratés. C'est bien pour ça qu'y'a pas de saison pour pouvoir nous entendre rapper. Vive nos rêves, c'est ce qu'on veut, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Certes, tu roulerais un BM, mais pour l'instant j'ai encore ça. Donc faut se serrer la ceinture, écoute ma rage en bande sonore. Tu diras ce mec c'est un tueur. On n'est pas représenté à l'infini, on parlera. Y'a pas de saison, mais je dirais que c'est un sale temps pour le rap. Y'a pas de saison pour que vive la musique. Pas de saison pour que vive le son. T'as connu la chanson, on est censé mais pas chanceux. Sans cesse on fait des sons sans se soucier de l'échéance. Y'a pas de saison pour que vive la musique. Pas de saison pour que vive le son. T'as reconnu la chanson, on est censé mais pas chanceux. Sans cesse on fait des sons sans se soucier de l'échéance.